Chapitre 14e. Iko Teruka, dans les ténèbres, atteignit la paroi du wagon et, à tâtons, constata que la porte à glissière était fermée et maintenue du dehors au moyen d'un cadenas. C'était la nuit, car à travers une fissure du toit, le détective aperçut les étoiles. Ses yeux, accoutumés à l'obscurité, lui permirent de distinguer, dans l'ombre, de nombreuses caisses qui emplissaient à moitié le wagon, et il pensa que c'étaient les caisses qu'il avait vues dans la grotte et qui contenaient les piastres volés. Pour l'instant, ce détail lui importait peu. Le train pouvait s'arrêter d'un moment à l'autre et arriver à destination. Iko Teruka, avant tout, voulait sortir du wagon. Il secoua les portes et constata qu'elles étaient maintenues solidement. Sans outils, faible comme il l'était, Iko Teruka ne pouvait penser à les forcer. Ce fut en vain qu'il tâta le plancher de ses doigts. Il était épais, sans crevasse. Iko Teruka souleva une des caisses et estima qu'elle pesait une quarantaine de kilos. Il n'aurait pas eu la force d'en porter plus. Il banda ses muscles, concentra son énergie et, d'un terrible effort des reins, parvint à hausser la caisse au-dessus de sa tête et à la projeter contre la porte du wagon qui, sous le choc, fut éventrée. La caisse retomba sur le plancher, intacte. Ses planches avaient été soigneusement assemblées, mais qu'importait à Iko Teruka? Fébrilement, il écarta les planches disjointes de la porte du wagon et passa la tête par la brèche. Pendant quelques instants, il resta ainsi immobile à écouter si personne ne venait, si l'on n'avait pas entendu le fracas des planches brisées, mais tout semblait tranquille. Le train, qui était composé d'une trentaine de wagons, dont quatre seulement contenaient des voyageurs, le reste étant réservé aux marchandises, filait dans une profonde tranchée creusée dans le roc et que son passage faisait bruyamment résonner. C'était grâce à cette circonstance, sans doute, que le bruit causé par l'éventrement de la porte du wagon n'avait pas été entendu. Iko Teruka, rassuré, se sentit renaître. La brise produite par la vitesse du train rafraîchissait délicieusement ses poumons, et sa joie était telle qu'il ne sentait même pas les plaies de ses pieds, mais il ne s'attarda pas. Malgré sa faiblesse, il se mit en devoir d'exécuter le plan qu'il avait conçu. Il franchit la brèche qu'il avait ouverte dans la porte du wagon et descendit sur le marchepied. Son wagon se trouvait à l'avant du train, le cinquième après le tendeur. Il se dirigea vers l'arrière du convoi. La nuit, heureusement, favorisait son entreprise. Il faillit plusieurs fois tomber sous les roues en passant d'un wagon à l'autre sur les tampons. Il se trouvait ainsi entre deux wagons lorsqu'il distingua au loin les lumières d'une gare. Le plus vite qu'il put, il se laissa glisser le long des chaînes d'attelage et réussit à se faufiler sous le wagon où il se plaça entre la plateforme du bogie et le plancher. Il était temps, le train s'arrêtait. « Si on voit la porte brisée, pensa Iko Teruka, je suis perdu, car on cherchera et on me découvrira facilement. » Haletant, il attendit. Mais le train ne resta que quelques minutes arrêté, car c'était une minuscule gare sans importance. Avec un inexprimable soulagement, Iko Teruka entendit une petite trompette résonner, puis le coup de sifflet bref de la locomotive, le train s'ébranla. Le détective, dès que le convoi se fut suffisamment éloigné de la gare, sortit de sa cachette et recommença à cheminer vers l'arrière du train. En quelques minutes, il eut atteint la première des quatre voitures de voyageurs. C'était un wagon de troisième, il était à peu près vide et ses occupants se composaient de quelques misérables coolies qui dormaient ou fumaient. Iko Teruka le dépassa et atteignit le deuxième wagon. Celui-là était un wagon de première classe, mais pas à couloir. Iko Teruka, en passant sur le marchepied, examina les compartiments les uns après les autres et n'y découvrit pas ce qu'il cherchait. Il ne vit que quelques riches Chinois ou deux ou trois Européens, lesquels dormaient. Iko Teruka ne s'arrêta pas et atteignit le troisième wagon, de première classe également. Un des compartiments avait ses stores hermétiquement baissés. Iko Teruka eut une brève hésitation, puis, ayant saisi la poignée de la portière, il la tourna doucement. Mais lorsqu'il voulut attirer la portière à lui, elle ne vint pas. Elle était fermée à clé, ou du moins maintenue en dedans par un verrou. Iko Teruka hocha la tête. Il s'attendait presque à cela. Il se haussa pour essayer de voir à travers le store, mais vainement. L'étoffe en était trop épaisse. Iko Teruka n'insista pas et se dirigea vers le compartiment suivant dont il ouvrit brusquement la portière. Il sauta aussitôt à l'intérieur, mais à peine y avait-il mis le pied qu'un petit homme borgne qui sommeillait sur la banquette se dressa et se rua sur lui un poignard à la main.